Cours numéro 1. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة هذه الرسالة المختصرة الأصول الستة للإمام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. Donc on commence بإذن الله جل وعلا ce nouveau dars fi al-usul al-sitta de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah avec l'explication de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Ce genre de rasail fi al-tawhid al-mukhtasara, elles sont muhimmes pour le talib al-ilm et kadhalik pour le muslim. Lianna c'est des rasail très simples وفيها فوائد عظيمة دي لسون اتيل في التوحيد في العقيدة في التحذير من الشرك. Et c'est la première chose par laquelle on doit commencer نحن تحقيق هذا التوحيد. Et parmi ces رسائل donc الأصول الستة, il va citer des points liés التوحيد. نعم. Il va citer six fondements, رحمه الله تعالى, qu'on va détailler avec l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen, رحمه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. شيخ الإسلام ست مقدمة cette petite introduction. Il démontre un nahu, il va citer six fondements que chaque musulman il doit connaître. Et c'est des fondements très simples. Ta'lamoun anna Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, il a écrit beaucoup de rasail très simples pour le musulman de base, l'ammi wa kadhalik pour talabat al-ilm. Et son but c'est de clarifier, d'expliquer, de propager hada at-tawhid d'une façon très simple. Et il démontre كذلك أن كثير من أذكياء العالم. الأذكياء c'est جمع ذكي. C'est des personnes intelligentes. Probablement il a étudié dans les domaines de dunya. Il peut comprendre, il sait lire, il sait écrire. Et il est intelligent. مع هذا il se trompe et il comprend pas ses six fondements. Et Rabbama, il les contredit dans sa vie quotidiennement. Illa aqall al-qalil, sauf une minorité. Ça te montre anna al-huda wa al-istiqama c'est min tawfiq Allahi azza wa jal. Celui qui est guidé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé. C'est pas grâce à lui, grâce à son intelligence, à ses efforts. La shak anna al-abdi doit faire des causes, al-asbab. لكن الهداية بتوفيق الله فكم من الأذكياء انحرفوا كم من الأذكياء انحرفوا ils comprennent pas ces fondements très simples. Et leur égarement, il y a plusieurs raisons. أنهم ils reviennent pas أهل العلم. أنهم ils font pas الدعاء. أنهم ils se mélangent à أهل الشر. أنهم ils ils n'ont pas la bonne méthodologie pour comprendre, même si c'est des athkiya, même s'ils sont intelligents. فَبَعْضَهُمْ رُبَّمَا يَلِي dans des livres de philosophie, même si c'est un livre qui parle de l'islam, c'est de la philosophie, ilm al-kalam. قِيل وَقَال C'est pas basé sur l'adillah. فَرُبَّمَا يَلِي plusieurs mujallad. Et à la fin, il comprend, ou il a la conviction que ma'na la ilaha illallah, c'est que tu reconnais Allah en tant que créateur. Et Rupama, il a un haut rang dans la société. C'est un médecin, c'est un... Zaki. Lakin, ses fondements très simples, il n'arrive pas à les comprendre. L'imada, il y a des obstacles entre lui et ses fondements. Il y a des obstacles entre lui et ce ilm. Il y a des obstacles entre lui et Ahl al-ilm. Shirul Islam, son but avec ces six fondements, c'est de te clarifier ce din al-islam, khasatan al-tawhid, avec des fondements simples pour te permettre, bi-idhnillahi azza wa jal, de suivre as-sirat al-mustaqim. Nous, on déduit de tout ça l'importance de revenir à Ahl al-ilm et l'importance de revenir à leurs livres. L'importance de revenir aux savants et au livre des savants. Il clarifie avec des mots simples. Il te montre tariq. C'est pour ça que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré que c'est ses héritiers. Al-ulama ou warathatul anbiya. Donc si tu veux la guider, c'est ça tariq. C'est ça la cause. Bien sûr, avec la sincérité, en faisant des invocations. Lakin, le cheminement et la voie à suivre, c'est très important. Ba'dahum, ils ont un dhaka ajib. Rupama, il comprend plusieurs langues. L'arabe est autre. Il a fait des études supérieures. Il arrive à comprendre. Il a un dhaka. C'est pas comme certains. Rupama, ils sont limités. Même si tu lui expliques, il n'arrive pas à comprendre. Ah oui, il comprend mal. Il est limité. Amma ba'dahum, fa dhaki jiddan, lakin munharif. Donc ça suffit pas de dhaka. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il te montre كَثِيرٌ مِنْ أَذْكِيَاءِ الْعَالَمُ وَعُقَلَ بَنِي آدَمْ إِلَّا أَقَلَّ الْقَلِيمِ. Donc fais tout, أخي الكريم, pour faire partie de cette minorité. Ça nous montre كَذَلِكَ أَنَّ الْحَقِّ il n'est pas forcément lié à la majorité. Et le batel, ce n'est pas forcément lié à la minorité. Et ceux qui ont un avis et ils sont majoritaires, ils ont forcément raison. Et les autres qui sont minoritaires, ils ont forcément tort. Là, بل dans plusieurs cas c'est l'axe كما بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم le prophète صلى الله عليه وسلم في السنة ستفترق أمتي على 73 فرقة c'est la majorité de la أمة كلها في النار أي تستحق النار à cause de leur انحراف et leur ضلال إلا واحدة sauf un groupe الجماعة et ce groupe c'est الجماعة c'est الحق أهل الحق ceux qui suivent les textes. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. Le fait de comprendre ces rasa'il, même si c'est des rasa'il très simples pour les débutants, le fait que tu les comprennes, et avant de les comprendre, Allah سبحانه وتعالى t'a facilité de les étudier, c'est une ni'ma min Allah. فكم من الناس حرموا من هذا الخير. كم من الناس ils ont les capacités عقلاء أذقياء لكن الله سبحانه وتعالى ما وفقهم لهذا الخير لهذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة في التعليم وفي غيره commencer avec des rasa'il simples revenir aux savants de la sunna délaisser كتب أهل البدع والضلال والكلام tout ça c'est من نعم الله عز وجل فاتudier ces fondements c'est la base de notre din les appliquer inshallah c'est C'est tariq al-istiqama wal-huda wal-falah. Nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala ala tawfiqihi wa sadadihi azza wa jal. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen qawluhu bismillah. Et ce premier point, la muqaddima, il va détailler shay'an ma al-basmala wa taqaddamat ma'ana wa ma'akum. فنقرأ هذه المسائل سهلة قال قوله بسم الله ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل Cheikh al-Islam, la plupart de ses rasa'il, il commence par al-basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa hadha kama qala Cheikh al-Uthaymeen, iqtida'an bi kitabillah 'azza wa jalla. Fal-Qur'an al-Karim, le premier verset c'est al-basmala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par al-basmala. Qala fa-innahu mabdu bil-basmala. Na'am. Amma la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala awha, les premiers versets qu'il a révélés à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, iqra. Amma al-maqsoud huna, ay anna al-Qur'an al-Karim, lamma jumi'a, fa le premier verset c'est al-basmala. Thumma surat al-Fatiha. Et al-basmala c'est un verset parmi les versets du Qur'an. Et ce verset il est cité entre chaque sourd. Illa surat al-Tawbah. قال واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il envoyait une risale à un malik par exemple, فكان يأمر أن يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم إلى هرقل. Beaucoup de hadith fi hadha. Al-muhim anna le prophète sallam il commençait par le basmala. Fa al-Qur'an il commence par le basmala. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il écrivait une risala il commençait par al-basmala. Quand il écrivait et il ordonnait à quelqu'un d'écrire. Amma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kana la yaktub. C'est ça l'asl. Qala wal-jar wal-majrur muta'alliq bi fi'l mahdhuf mu'akhkhar munasib lil maqam. تقديره هنا بسم الله اكتب بسم الله الجار والمجرور اي لفظ الباء avec le اسم بسم فهذا الجار والمجرور متعلق بفعل اي اكتب بسم الله او بسم الله اكتب شيخ ابن عثيمين الان cite plusieurs choses قال والجار والمجرور متعلق بفعل. Il va démontrer pourquoi il a qaddar aktub, pourquoi il l'a akhar. Mu'akhar, donc un fi'l. Que mu'akhar, bismillah aktub. Il n'a pas dit aktub bismillah. Là, il a qaddam ism Allah Azza wa Jalla. On va voir, il y a une faïda azima. Munasib lil maqam. Naam, lianna Cheikh al-Islam, il a dit bismillah. Pourquoi? Liannahu, il va écrire une risale. Fa anta, anta, mathalan, si tu veux manger, tu dis bismillah. Et c'est wajib. Sammillah, kul bi yaminik. Quand tu dis bismillah, ta niya, tu dis bismillah pourquoi? Parce que tu vas manger. Le fi'l, si on explique al-basmala avant de manger, le fi'l qu'on va qaddar, ça sera al-akl. Bismillah akul. Huna bismillah aktub. Donc tout ça c'est des taqdirats, tu ne le prononces pas. Quand tu dis bismillah, tu as une intention. Innama al-a'malu bin-niyyat. Et cette basmala peut être wajiba, elle peut être mustahabba. Donc, il faut bien comprendre que les détails qui cite Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est des fawaïd min hayth al-lugha. Al-jar wal-majrur il est muta'alliq bi fi'l mu'akhkhar. Tout ça, c'est des masa'il fil lugha. Amma anta, dès que tu dis bismillah, tu as cette intention. Pourquoi tu dis bismillah? Li'annahu, imma c'est obligatoire, imma c'est une sunnah. Pourquoi? Parce que tu vas manger. Ou tu vas commencer un dars, ila akhir. Qala. والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره هنا بسم الله اكتب وقدرناه فعلا. Vous avez remarqué que le taqdir bismillah, le taqdir qui est متعلق بالجار والمجرور, et ربما c'est مسائل بعض الاخوان ils comprennent pas s'ils ont pas fait un nahou, et الامر سهل, nous l'essentiel on comprend que c'est une sunna de commencer par bismillah, et celui qui comprend pas les détails et par rapport au masail an-nahwiyya fa al-amr sahl jiddan sayati ma'akum inshallah si vous faites des dourous sur le nahw. Donc le taqdir qui est lié au jar et au majrour bismillah, Cheikh Ibn Uthaymeen qaddarahu fi'lan limadha qala li'anna al-asl fi al-'amal al-af'al, la base dans l'amal c'est l'af'al, wa qaddarnahu mu'akhiran li fa'idatayn. Et pourquoi il l'a qaddar après le jar ou le majrour? Bismillah aktub. Il n'a pas dit aktub bismillah. Aktub il l'a mis après. Limada? Deux faïda. Qala al-oula at-tabarruk bil-bada'ati bi bismillah ta'ala. Tayyib. Et il commence par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. أي من باب تعظيم اسم الله عز وجل التبرك أي التبرك أي demande de بركة ففيه بركة البدء ببسم الله عز وجل فيه بركة قال الثانية إفادة الحصر لأن التقديم المتعلق به يفيد الحصر نعم normalement si tu laisses الجار والمجرور à sa place entre guillemets et tu le قدم pas فلا يفيد الحصر si tu le قدم tu dis بسم الله أكتب ففي هذا الحال يفيد الحصر أي سنية لله عز وجل وحده et ça c'est connu في العربية et on avait donné l'exemple dans les durus في الفاتحة مع بعض الإخوان عند قول الله عز وجل إياك نعبد الله سبحانه وتعالى قال إياك نعبد il a pas dit نعبد إياك ضمير النصب قدم إياك نعبد هذا لإفادة الحصر أي العبادة سيحق لله وحده لا شريك له هنا نفس الشيء بسم الله أكتب cette صيغه cette formulation أي le fait de citer le jar wal majrur avant le taqdir ça تستفيد منها الحصر أي que cette kitaba l'intention de celui qui écrit si dit بسم الله أولا يتبرك بسم الله عز وجل commencer par بسم الله فيه بركة il y a une baraka عظيمة et كذلك son intention c'est que ce fi'l أي الكتابة c'est pour Allah عز وجل il n'espère pas quelque chose de dunya c'est pas pour se montrer là al-ikhlas et Cheikh al-Islam il va détailler ce point dans le premier asl le premier fondement al-ikhlas قال وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد شيخ العثيمين إلى قدر سفعل أي الكتابة هنا pourquoi لأن شيخ الإسلام il a dit بسم الله parce qu'il va écrire une رسالة celui qui dit بسم الله il va manger la chacun a son intention c'est de manger donc هذا c'est سهل لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدي ما يدرى بماذا نبتدي لكن بسم الله نقرا ادل على المراد نعم وهنا بسم الله اكتب او نحن on dit بسم الله pourquoi parce qu'on va lire وهذا سهل قوله الله قال شيخ العثيمين لفظ الجلاله علم على الباري علم بفتح العين ولا اي اسم من اسماء الله عز وجل Allah subhanahu wa ta'ala lahu al-asma'ul husna. Il a plusieurs noms. Tous ces noms, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alamun. C'est un nom parmi les noms d'Allah azza wa jal. Et هذا الاسم, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est الاسم الأعظم على الصحيح. لفظ الجلالة. لا يجوز أن يسمى غير الله بهذا الاسم. فهذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى قال لفظ الجلالة علم على الباري الباري c'est الخالق c'est من أسماء الله كذلك et معناه il se rapproche du خالق الباري أي le créateur وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء c'est pour ça qu'on a dit que c'est الاسم الأعظم على الصحيح حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة أي dans ce verset الله سبحانه وتعالى إلى cité من الأسماء العزيز الحميد après إلى cité الله الذي له ما في السماوات والأرض وما في الأرض قال شيخ ابن تيمين لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت إذا سن فائدة في اللغة أن هذا الاسم حتى في هذا الحال لأن au niveau de la grammaire au niveau du نحو tu peux comprendre إلى صراط العزيز الحميد الله tu peux comprendre que الله c'est une صفة de l'Aziz et de l'Hamid, et des deux premiers noms. Al-Ulama, là, fi hada al-hal, عند al-I'rab, ils disent عطف بيان. Pour pas que l'offre d'Allah, il suit le nom qui est avant. قال, عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعود. هذا في الحقيقة سهل، لكن ستمنط قوة شيخ ابن عثيمين في هذه المسائل. وإلا نحن سكينو زانتغز هنا أن الله سبحانه وتعالى سي لفظ الجلالة سي أن نوم parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يسمى غير الله بهذا الاسم. كذلك تستفيد من هذا الاسم لأن الشك نوم d'Allah سبحانه وتعالى يغنفر une صفة كاملة، تستفيد من هذا الاسم الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سي المستحق للعبادة. الله أي المألوه المعبود بحق، لا معبود سواه بحق. Tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah عز وجل ils sont adorés بباطل. Donc هذا الاسم نحن on doit le comprendre et appliquer ce qui renferme comme معاني، pas comme ils font بعض الجهال. Il a une chaîne autour du cou Allah. Dans sa maison, il a des décors, des décorations, des tableaux autres Allah. Dans sa voiture Allah. Partout. Et tu le trouves. عند العمل ربما يخالف ما يتضمن هذا الاسم من المعاني. Et ça c'est grave. لأن هذه الأسماء نحن القرآن كذلك. On ne doit pas s'en servir comme décor, comme ils font بعض. والعياذ بالله. لا. هذا القرآن c'est للتدبر والعمل. Et ces أسماء كذلك on doit comprendre. C'est pour ça que الحديث الذي فيه أن من تعلم les 99 noms il les connaît par cœur دخل الجنة. هذا كما بيّن ابن القيم أنه il faut les connaître, comprendre le sens et appliquer. أما celui qui connaît لفظ الجلالة الله et il aime ce nom ربما tellement qu'il l'aime il dépasse les limites et il achète un cadre, un tableau et il a écrit لفظ الجلالة et il l'accroche chez lui. Est-ce que s'il fait du shirk ça va lui être utile? Abadan. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Donc نحن هذا الاسم الله on doit le comprendre. Ça veut dire quoi Allah? Ça veut dire que il mérite عز وجل l'adoration seul. Ça vient de المألوه. المألوه c'est le معبود بحق. ذلك بأن الله هو الحق. Et tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, fabi batil. Donc c'est ça nahnu, l'essentiel et l'important. Amma, faqat des étiquettes, faqat l'apparence. Voilà, la yakfi. Qala Shaykh ibn Uthaymeen, wa li hadha qala al-ulama, a'raf al-ma'arif, lafz Allah, li'annahu la yadul ala ahad siwa Allah Azza wa Jal. Na'am. Fala yajuz tasmiyat ahad bihadha al-lafz. Ça, c'est un nom qui est khas pour Allah Azza wa Jal. Et il y a des autres noms qui sont khas pour Allah Azza wa Jal. Al-Khaliq, etc. Ça, c'est des noms qui sont khas pour Allah Azza wa Jal. Allah Fdul Jalala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est l'isme l'a'zam. La ma'na, ce isme, il renferme une sifa al-uluhiyya. Fala yajouz sarf shay'in min al-ibada li ghayri Allah Azza wa Jal. Wa illa celui qui adore autre qu'Allah, il n'a pas compris ce nom. Et il n'a pas appliqué les al-ibadat pour se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ça ne suffit pas de reconnaître. Enfin, maintenant, le shaytan, il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur, et il reconnaît ce nom. Et il croit Allah. Lakin, il n'a pas voulu adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'inad ou kibr, fa kafar. Donc ça ne suffit pas une reconnaissance. Ou comme ils font un accrocher des tableaux. Tout ça, ça ne suffit pas. Notre dîn, c'est un dîn qui est fondé sur l'ilm ou l'amal. L'ilm ou l'amal. Imanun fil qalb et des amal bil jawarih. Amma accrocher des tableaux comme ils font al-ba'd. Ou faqat un nom, un prénom. Maintenant, il s'appelle Abdallah. Et il n'adore pas Allah Azza wa Jal, ça lui est d'aucune utilité. L'islam, ce n'est pas un prénom. Là, l'islam, c'est des amal. Bien sûr qu'avoir un prénom musulman, c'est muhim. Lakin, avoir un prénom et le contredire, maintenant, ba'duhum, il s'appelle Abdullah, et il n'adore pas Allah. Est-ce que ça lui est utile? Ça lui est utile en rien. Tout ça, ça nous montre l'importance de connaître les noms d'Allah, Azza wa Jal, et ce qui renferme comme ma'ani, hatta on applique. فمثلا الرحمن سيأتي معنا وبليغ الآن الرحمن اسم عظيم من أسماء الله الرحيم كذلك tu comprends quoi de ce اسم que الله سبحانه وتعالى il a صفة الرحمة الآن la question qui se pose t'as reconnu tu crois que الله il a ce nom الرحمن الرحيم le but c'est quoi c'est que tu sais que الله سبحانه وتعالى il est رحيم يرحم من يشاء le but en tel an c'est de savoir quel œuvre, quel amal faire pour qu'Allah te pardonne. Wa illa, بعض الناس ils vont pas profiter de rahma. Inna al-munafiqina fi d-dark al-asfal min an-nar. Ils profiteront pas de rahma. Allah Azza wa Jalla va les châtier éternellement, les hypocrites, al-kuffar kadhalik. Est-ce que ça leur est d'une utilité quelconque de reconnaître ces asma abadan? Donc, nahnu, on a une conviction, thumma, on doit, cette conviction elle doit être fondée sur l'ilm. Et ce ilm doit impliquer l'amal. C'est ça le mu'amal al-sahiha avec ces noms. Nous, on lit des fawa'id beaucoup min hayth an-nahw, mais on fait cette précision. Le but c'est هذا. Le but c'est de comprendre pour appliquer. Qala Cheikh al-Uthaymeen, qawluhu ar-Rahman. Al-an, Cheikh al-Uthaymeen continue à expliquer le basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il a expliqué le bismillah. Ay-jar wa majrur, il est muta'alliq. Ou, na'am, bi-fi'l. محذوف et on l'a قدر هنا اكتب اي شيخ الاسلام il a dit bismillah pourquoi parce qu'il a l'intention d'écrire cette risale c'est pour ça qu'il a commencé bismillah tout ce qui vient l'un après il l'a écrit pour Allah عز وجل ثم شيخ ابن تيميه il a expliqué l'offre Allah bismillah Allah et il nous a démontré que c'est l'offre de Jalala الرحمن الرحيم اي Allah سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم قال الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره كذلك الرحمن سينو parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى et on n'a pas le droit d'appeler un autre الرحمن الرحمن c'est خاص pour Allah عز وجل ومعناها المتصف بالرحمة الواسعة فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء et ça c'est une بشرة pour العباد pour les مؤمنين أن الله سبحانه وتعالى il est رحيم رحمن رحمة واسعة فلا تقنط من رحمة الله تستفيد de ce nom الآن الرحمن أنك لا تقنط من رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فلا تقنط jamais ne désespère si tu as la conviction أن الله c'est الرحمن et tu as compris de ce nom que Allah سبحانه وتعالى il a رحمة واسعة sa رحمة elle est immense Il pardonne à qui il veut, il guide qui il veut. فلا تقنط. Tant que tu es en vie, لا تقنط. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset qu'on a cité, قال إن الله يغفر الذنوب جميعا أي قبل الموت. أما après le mort, فإن الله لا يغفر أن يشرك به. Donc avant le mort, لا تقنط. Même si tu as fait quelque chose de grave, même si tu n'appliquais pas هذا الدين, بعض الناس والعياذ بالله, ils font du shirk. Ils doivent pas désespérer. S'ils reconnaissent al-haq et on leur montre al-haq, at-tawba elle efface tout et Allah subhanahu wa ta'ala c'est arhamur rahim. Donc on désespère jamais. Lakin kadhalik on fait attention à une shubha an ba'dhum rubbama yafid des péchés et il te dit Allah c'est ar-rahman c'est ar-rahim. Kadhalik la ta'man min makrillah لان Allah subhanahu wa ta'ala c'est ارحم الراحمين لكن est-ce que tu as fait les causes pour profiter de cette rahma on désespère pas lakin on fait les causes لان الله عز وجل شديد العقاب الله سبحانه وتعالى c'est le قوي c'est le عزيز c'est le جبار في الحقيقه celui qui comprend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala thabita في القران وفي السنه et les applique في الحقيقه il va comprendre le din et il va appliquer le din complètement en comprenant les noms et les attributs d'Allah عز وجل قال معناها المتصف بالرحمة الواسعة قوله الرحيم الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره نعم بالمؤمنين رؤوف رحيم في الآية في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنضيف فلان إلى رحيم إلى رحيم بالعباد إلى رحيم avec ses enfants إلى الله رحمة نعم لكن Quand on dit Ar-Rahim fi haqqi Allah Azza wa Jalla, la rahma elle est parfaite. لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Si on dit Fulan il est Rahim, peut-être que cette rahma Et tu le vois dans les mères de famille, elle a de la rahma pour son fils, et des fois c'est une rahma fi hanaqs. Cette rahma, au lieu de profiter, que cette rahma profite à son enfant, elle lui fait du mal. Matalana munkar, ou il fait quelque chose, et au lieu de l'éduquer, de lui montrer, ou bien de le punir, cette rahma, peut-être qu'elle va faire du mal au fils. Et il va grandir avec cette éducation, une rahma qui est mal placée. Rahmatullah Azza wa Jal, elle est parfaite. Et Allah, c'est Arhamur Rahimin. Et Al-Ibad, كذلك. Ils ont de la rahma, lakin, c'est pas une rahma parfaite. Wa ma'na, ay Ar-Rahim, ذو الرحمة الواصلة. Donc, Ar-Rahman et Ar-Rahim, t'as deux noms. Et ces deux noms, ils englobent sifat Ar-Rahman, la miséricorde. Al-An, quand ils sont cités les deux, comme il va démontrer Cheikh Ibn Uthaymeen, Ar-Rahman, Ar-Rahma, c'est al-sifa, en Allah subhanahu wa ta'ala, il est muttasif bi sifat Ar-Rahma, Ar-Rahma wasi'a, et Ar-Rahim, c'est le fi'l. Comme il a démontré l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Et ça, c'est min ahsan al-qawl fi al-farq bain al-Rahman wa al-Rahim, s'ils sont cités ensemble. Ba'dahum, ils disent que al-Rahman, c'est pour jami' al-nas, et al-Rahim, c'est pour al-mu'minin. Hada fihi nazar. Ahsan al-qawl fi hada, c'est kalam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, et il le cite là. On répète, donc Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, il a sifat Ar-Rahman, et Ar-Rahim, il pardonne, il fait miséricorde à qui il veut, azza wa jal. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ar-Rahman, Allah il a Ar-Rahman, Ar-Rahim, yarham man yasha. Faqal Cheikh Ibn Uthaymeen, Ar-Rahman dhu ar-Rahman al-wasi'a, wa Ar-Rahim dhu ar-Rahman al-wasila. Ay, hadhihi ar-Rahman tasil إلى من شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يرحم أنتل من العباد فيرحمه. أما صفة الرحمة الله سبحانه وتعالى لا تجوا. فالرحمن صفة الرحمة صفة ذاتية. الرحيم صفة الرحمة صفة فعلية. يعني فعل. إسا. On l'a vu مع إخواننا في مقدمة شرح اللمعة لشيخ ابن عثيمين. Et on l'avait vu en détail أكثر. مع des autres frères في القواعد المتلى للشيخ ابن عثيمين il explique tout ce qui est lié avec صفات الذات وصفات الأفعال en détail. مهم هنا pour ceux qui n'ont pas étudié ces livres أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة أي الله سبحانه وتعالى il a cette صفة رحمة واسعة الرحيم c'est une action un فعل أي الله سبحانه وتعالى il fait miséricorde à un tel. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde aux animaux, aux êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, yarham al-mu'minin, etc. قال فإذا جمع صار المراد بالرحيم أو جمع أي les deux noms الرحمن الرحيم. S'ils sont cités الرحمن tout seul ou الرحيم tout seul dans un texte, فالله subhanahu wa ta'ala, il a صفة الرحمة et il fait miséricorde à qui veut. Al-fi'l, quand il est cité le nom tout seul. Quand ils sont cités les deux, chacun des noms, il a une ma'an. Et ça, c'est la même chose. Et ça arrive beaucoup en langue arabe. أن بعض الأسماء إذا اجتمعت افترقت أي في المعنى. وإذا افترقت اجتمعت. On vous donne un autre exemple avec l'islam et l'iman. L'islam et l'iman. L'islam, quand il est cité tout seul, مثلا, قول الله عز وجل, إن الدين عند الله الإسلام. Ça englobe l'iman. فلا شك أن المسلم il doit appliquer l'islam et il doit appliquer arkan al-iman كذلك. Illa c'est pas un musulman. Al-iman s'il est cité tout seul كذلك ça englobe l'islam. Al-iman bit'un wa sittuna shu'ba qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-iman plusieurs branches. Dans ces branches tu trouveras as-salat wa al-hajj wa al-zakat. Et les piliers de l'islam. Donc al-iman ça englobe l'islam. Quand ils sont cités dans un texte, ay l'islam tout seul ou l'iman tout seul. Quand ils sont cités les deux, tu trouveras que l'islam, c'est pour les œuvres apparentes, arkan al-islam, comme dans le hadith ibn Umar. Et tu trouveras arkan al-iman, c'est arkan al-iman, al-iman billah wa malaikatihi, etc., comme dans le hadith Umar, hadith Jibril, al-mashhur. Donc ici, c'est la même chose. قال فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. نعم. دونك الرحمن صفة ذاتية, الرحيم صفة فعلية, أي une action. الله يرحم من شاء, كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. دونك un فعل, ويرحم من يشاء. الله سبحانه وتعالى إلى une حكمة, il pardonne et يرحم qui il veut جل وعلا. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة. Cette règle, ceux-ci sont cités les deux dans un texte, comme ici. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est un verset dans le Coran al-Karim. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il citait cette phrase au début de ses lettres. Donc, ils sont cités les deux. Ar-Rahman, ar-Rahma, sifa dhatiya. Ar-Rahim, sifa fi'liya. Allah subhanahu wa ta'ala, yirham man yasha. Hada ahsan ma qila fi al-jam' bayna ar-Rahman ar-Rahim, ay min hayth al-ma'na. Donc, ils sont cités les deux. يراجع قول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد فيما أذكر إلى فصل أكثر. Et ça viendra avec vous, Inch'Allah, dans les livres de Aqidah, Al-Qa'id al-Mutla, etc. Il détaille مثل هذه الفوائد. قال شيخ الإسلام, أي شيخ ابن عثيمين, il cite son قول. قوله من أعجب العجب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. Donc, مقدمة. Il démontre pourquoi, ou il démontre c'est quoi cette risala qu'il a écrit. C'est six fondements. Cheikh al-Islam, قال شيخ ابن عثيمين, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, رحمه الله, له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العام وطالب العلم. Et ça, c'est important de ne pas négliger هؤلاء العوام. فكثير منهم, ils ont du khayr. العام, c'est le musulman de base. Il a masse, il n'a pas étudié, il travaille, etc. Un musulman, il a du khayr. On ne doit pas négliger. Cheikh al-Islam, il ne les a pas négligés. Abadan. Bel, certaines rasa'il ka al-usul al-thalatha, il y a une version bi al-lahja al-amiyya. Ils parlent comme ils parlent l'awa, avec leur lahja et leur dialecte à eux. Ils ne parlent pas en arabe littéraire, dans une version de al-usul al-thalatha. Pourquoi? Parce que ça démontre que Cheikh l'Islam, il avait une inaya pour Ha'oula. Et Ha'oula, c'est eux le chef, c'est eux qui vont éduquer les enfants, c'est eux la base de l'muslimine. Et c'est eux qui sont en majorité. Donc si Ha'oula, ils sont éduqués à la sunnah, et on leur fait da'wa brif, il y aura khayr azim. Et ta'ammal ma hasala fi al-mamlaka al-arabiya al-saoudiya, avec cette da'wa de Cheikh l'Islam, rahmatullah alayh, il a donné de l'importance au tawhid, la base. كذلك, il a donné l'importance au awam, ay min hayt ad-da'wa, il leur montre. Le ilm, ça ne doit pas être réservé que à certaines personnes, talabat al-ilm, et toujours des sujets que les autres ne comprennent pas. Là, falihada al-sha'b al-sa'oudi istafadu jiddan min da'wa Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Dans les masajid, dans les écoles, partout. C'est pour ça que tu trouves l'an, hunak, ils ont une mahabba pour tawhid et ils détestent le shirk. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élevés avec ce genre de rasa'il. Donc on néglige pas. Il y a des sujets, na'am, c'est khas pour talabat al-ilm. Les awam ne comprendront pas. Par exemple, at-tawassu' fi ilm al-asma wa sifat, il y a des choses ils ne comprendront pas. Sifat dhatiyya, fi'liyya, khabariyya. Tout ça, ils ne comprennent pas. Lakin, il y a des choses, il faut leur simplifier. Parmi ces choses, les six fondements qu'il va citer Cheikh al-Islam. Et tu verras que ces six fondements, s'ils sont compris et ils sont appliqués dans les mujtama'at, dans les pays musulmans et autres, ben, Inch'Allah, le khayr, il va être kabir. Qala, wa min hadhihi ar-rasa'il, hadhihi ar-risala, sittatu usul azima. Wa hiya. Et il va citer, Cheikh ibn Uthaymeen, ces six fondements. Il va les citer un, thumma, il va les expliquer un par un. Al-aslu al-awwal al-ikhlas. وبيان ضده وهو الشرك. Premier fondement. Et c'est la base de l'islam. C'est معنى الشهادة. لا إله إلا الله, c'est الإخلاص. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Cheikh l'islam, il va te démontrer ce qui contredit cet إخلاص. Et c'est ça qui est important. لأن الإخلاص, adorer Allah عز وجل seul, il faut faire attention à la chose qui annule cet إخلاص, la sincérité. Et هنا الشرك. Donc, premier fondement, il te montre la base de l'islam, al-ikhlas. Est-ce qu'il le contredit min al-shirk? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbal min al-amal إلا الخالص. الله لا accepte pas من الأعمال que ce soit الصلاة أو الزكاة أو حج أو غير ذلك إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه. Donc Cheikh Al-Islam il te commence par la base. Pour que toutes tes œuvres soient acceptées, pour que ton dîn soit valide, il faut que tu sois mukhlis, tu fasses lillahi azza wa jal. فلهذا الكفار من يهود من نصارى المشركون, ils ont contredit ce point. اليهود ils adorent العزير, النصارى ils adorent المسيح, المشركون ils adorent الأوثان, des statues, des tombes. Ils sont sortis de l'islam. Al-mu'min, ses œuvres, c'est pour Allah Azza wa Jal. Il adore Allah Azza wa Jal bi ikhlas. Ça, c'est le premier asl et qu'on a déjà détaillé dans les livres de Tawhid, walillahi alhamd, et on détaillera avec la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen, inshallah. Al-asl al-thani, deuxième fondement, al-ijtima'u fi d-din, wa nahi ani tafarruq fi. Et ça, c'est un fondement important. Al-ijtima'u fi d-din, se rassembler par rapport au dîn. On ne se rassemble pas par rapport à une couleur de peau, par rapport à un endroit, par rapport à une catégorie de personnes. Là, al-ijtima' il est fi d-dîn. Comme a dit Azza wa Jalla, wa'tassimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Donc il va démontrer que l'ijtima' c'est fondé sur dîn. Celui qui suit l'islam, qui suit le prophète sallam, c'est notre frère, on doit se rassembler avec lui. Wa nahi 'ani at-tafarruq fihi. Kadhalik, on n'a pas le droit de se diviser. Celui qui contredit Ad-Din, enfin c'est lui la cause de la division. Nous, on peut se rassembler qu'avec celui qui suit Ad-Din. On ne peut pas se rassembler avec les Yahoud, avec les Nasara, avec Ahl al-Bida'. Le rassemblement, il est autour du Coran et de la Sunna. Il va détailler ce point. Al-Asl al-Thalith, al-Sam'u wa al-Ta'a, li-Wulat al-Amr. Et ça, c'est important. Le deuxième fondement, il est lié au troisième. Une jama'a, si on se rassemble, il faut une tête. Il faut un amir. Il faut des règles. Celui qui commet un crime, il faut une sanction, une sentence. Tout ça, on est obligé d'avoir un amir. Ce amir, il doit être obéi. On doit lui obéir. On doit l'écouter. Bien sûr, fi ta'atillahi azza wa jal. Ce amir, on doit avoir un comportement. S'il se trompe, s'il fait des fautes, s'il fait des péchés, on doit avoir un comportement pour préserver al-jama'a. Donc le troisième fondement est ta'allaq bi walat al-umur. Al-asl ar-rabi' bayan al-ilm wal-ulama wal-fiqh wal-fuqaha wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Et ça, c'est un point essentiel. Le quatrième point, il te montre c'est quoi l'ilm. L'ilm, c'est qala Allah qala ar-rasul. C'est qui l'ulama? C'est ceux qui ont étudié ce ilm et qui l'appliquent. Et كذلك il va te montrer à ba'd an-nas. Tu penses ou tu peux croire que ce sont des ulama, et fil haqiqa, ce n'est pas des ulama. Bel, ils égarent les gens. Donc on doit faire attention. On doit aimer, suivre l'ulama, et prendre le dîn, notre dîn de l'ulama, et faire attention à ceux qui se prétendent ulama, c'est des savants, et ce n'est pas des savants. Donc ce quatrième point, il est muhim, kadhalik. Al-aslu al-khamis bayan manhum awliya'ullah. Il va te démontrer c'est qui le wali. كذلك لأن dans ce point Cheikh Al-Islam il sait que كثير من الناس ils se sont égarés. أولا, ils ont cru que certaines personnes c'était des awliya. Le wali, c'est l'allié d'Allah, une personne que Allah il aime. كال رسول والصحابة والصالحين, c'est tous des awliya. Et les awliya, il y a des niveaux. فبعض الناس أولا, ils ont cru que certains c'était des awliya et c'est pas des awliya. فربما c'est un fasiq, ربما c'est un mujrim, un kafir. Et Ba'dhum, ils pensent que c'est un wali. Thaniyan, Ba'dhannas, ils ont fait du relou, ils ont exagéré sur l'awliya. C'est un wali. C'est un compagnon du prophète, ou c'est un prophète, ou c'est un savant, ou c'est une personne pieuse. C'est un wali. Ba'dhannas, ils exagèrent. Hatta, il arrive à un niveau, il adore ce wali. Et hada la yajouz, Cheikh Al-Islam, il va te montrer le comportement. Awalan, on regarde si c'est vraiment un wali, une personne que Allah il aime. Si Allah il aime cette personne, on doit avoir un comportement. L'aimer, le secourir s'il a besoin, s'entraider, un maladoration, abadan. Sixième asl, قال الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. كذلك, c'est un point important. أن بعض الناس ils ont une shubha qu'ils ne suivent pas le Coran et le Sunna. Là, il va suivre une personne et le Coran et le Sunna, il ne peut pas comprendre. C'est pas pour lui. c'est réservé que pour certaines personnes. Et ça, c'est une choubha khatir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran et il a envoyé ce messager pour tout le monde. Si tu ne comprends pas, tu demandes. Fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun. À m'avoir cette conviction que moi, je ne regarde pas, je ne fais pas de recherche, je suis faqat un tel, fahadal. قال شيخ ابن عثيمين وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق نعم أصول عظيمة مهمة on doit les comprendre, on doit les connaître certains de ces أصول c'est par rapport au tawhid, d'autres c'est par rapport à l'aqida المهم on doit les comprendre شيخ الإسلام il les a cités. Pourquoi les anna, c'est des sujets importants, c'est les fondements de notre dîn, et beaucoup de gens, ils ont des problèmes fi hada. C'est pour ça, vous vous rappelez sa parole au début du dars, قال ثم بهذا بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم. Comme من الناس الآن, il se prétend ذكي, il a un niveau social élevé, un rang élevé. C'est un docteur, c'est un médecin, c'est un professeur, et tu le trouves, il n'a pas compris. Elle a critiqué le gouverneur. Les révoltes, ça divise et ça peut lui faire du mal à lui. Il n'a pas encore compris. Il a délaissé le quatrième point. Et il écoute des égarés. Et ces égarés, ils lui font croire que la solution, c'est la révolution. Et il s'égare. Et il fait du mal à lui et aux autres. C'est important. C'est au sol de les comprendre. Et inshallah ta'ala naqra sharh Cheikh Ibn Uthaymeen, il est simple et nu'alliq bima yassara Allah 'azza wa jalla et alhamdulillah naktafi bi hadha al-qadr subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.